Obsession. Grand bois, vous m'effrayez comme des cathédrales, vous hurlez comme l'orgue, et dans nos cœurs maudits, chambres d'éternel deuil où vibrent de vieux râles, répondent les échos de vos déprofondices. Je te hais, océan, tes bonds et tes tumultes, mon esprit les retrouve en lui, ce rire amer de l'homme vaincu plein de sanglots et d'insultes, je l'entends dans le rire énorme de la mer. Comme tu me plairais, ô nuit, sans ces étoiles dont la lumière parle un langage connu, car je cherche le vide et le noir et le nu. Mais les ténèbres sont elles-mêmes d'étoiles, où vivent, jaillissant de mon œil par milliers, des êtres disparus au regard familier.